cherche en trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Tu sais que Mystical a fait ses preuves. Quand on cherche on trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Mystical toujours suivi d'un boom. Éloigner les gosses et le matos, ça flaire la bastos. J'ai du mal à me contenir, surtout quand je pose. Tolérance zéro, apparemment une directive dans mon cerveau. Au moment où je tiens le micro, y'a pas que le climat qui se réchauffe. Y'a aussi l'intérieur de ma caboche. Forcé de constater que j'ai rien dans les poches. Ma seule richesse t'es en train de l'écouter. Au mic une certaine facilité à s'énerver. De ce qu'on nomme écorché vif, je range dans le sujet, dans le contexte que Mike donne-le. Si tu fais du rap d'extrême droite, c'est que tu me cherches. Et si en voyant mes phalanges t'as vu ce trompe, c'est que tu me trouves. Tes ressources sont pas assez fortes pour que tu me blesses. Pendant que t'es en train de lâcher du lest en desserrant les fesses, ma section progresse, mon flow t'agresse. Toujours la même adresse, et c'est pas ce qui nous engraisse. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y, prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Tu sais que Mystical a fait ses preuves. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y, prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Mystical toujours suivi d'un boom. Marre de me faire niquer mes concepts, le flow que j'adopte. Heureusement que je me suis toujours lâché au compte-goutte. C'est la déroute, pour ton inspiration banqueroute. Le temps d'une respiration et tu me vois au bout de la route. S'il y a bien une chose de vraie, l'animal acculé n'en devient que plus dangereux. Donc t'as plus qu'à reculer, mes plaies. Écoute, plus besoin de mes plaies. À l'époque j'ai fait mes armes sur cassette, donc s'il te plaît. C'est pas moi qui ai commencé, mais t'sais commencer. Fuck ceux qui ont du succès, attends je vais recommencer. J'rappe toujours à l'excès, du moins c'est ce que j'essaie. Au premier rang trop blessé, les woofers ont trop poussé. J'peux pas faire du standard, le mien explose. Et quand j'écris mon standard, se remplit des joints que j'explose. J'arrive pas à me voir dans un miroir, tellement j'me fais peur. S'il vous plaît, me laissez pas seul avec moi-même dans le noir. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y, prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Tu sais que Mystical a fait ses preuves. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y, prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Mystical toujours suivi d'un boom. Tu peux dire que c'est un égo trip, mais celui-là il sort des tripes. Et moi à ton avis je m'en tape, gaffe à ta vie ou je l'extire. Tu sais moi je suis pas les papes, je me vante pas d'être une grosse frappe. Mais j'en te doute, enlève ton cul de la route si je rappe. Dis-moi ce que t'en penses, avec rien j'ai fait ça. Maintenant tu peux baisser ton froc, car c'est l'heure d'affaisser. Crois pas que je sois à fond, là je m'échauffe, c'est tout. Quand la panique te saisit là, ça me chauffe, c'est fou. Ah oh, à tous ceux qui m'ont cherché et m'ont permis de me trouver. Ah oh, ici c'est Psycho. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y, prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Toujours suivi d'un boom. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi le plus fort, ben vas-y, prouve. Un maître du encore toujours dans le move. Mystical toujours suivi d'un boom. Une spéciale pour la section One Shot Calibre 26 1 Agent 47 Productions.